En Corée, la construction de l'avenue de Myon est accélérée dans la ville de Pyongyang. La construction des immeubles d'habitation et des installations de divers secteurs sont à 95% et 90%. Les militaires bâtisseurs, le ministère du bâtiment et de l'industrie des matériaux de construction, le ministère des transports routiers et maritimes, la direction générale des affaires avec le corps diplomatique, la direction de la construction à l'extérieur et presque toutes les autres unités d'activité ont fini l'installation des ascenseurs dans les immeubles. Certaines unités de l'armée populaire font déjà les préparatifs pour l'emménagement des habitants. La construction des bâtiments publics, du réseau d'établissements de services publics et de l'infrastructure est en phase d'achèvement et l'entretien des dizaines de mille arbres des dizaines d'espèces est poussé simultanément.